Mi voici l'humeur de Guillermo Guiz en ce moment. Ne tombons pas dans l'excès. Bisous. Bonjour les amis. Bonjour. Alors pour une raison que je vais vous expliquer d'ici deux phrases, il n'est pas impossible que ce soit la dernière fois qu'on se voit. Non. Ce matin. Pas et toi. Non, j'ai pas été engagé par Europe 1, bien sûr. Et c'est pas faute d'avoir envoyé mon CV. Soi-disant, on comprend rien à ce que je raconte. Sur le public, service public, ça passe. Mais apparemment, les annonceurs préfèrent les gens qui articulent. N'importe quoi. Bon. Non, c'est peut-être la dernière fois parce que je pars à New York. Incessamment. Mytho. Sous peu. Et oui, et que globalement, c'est je fais. C'est vrai. Globalement, je fais autant confiance à l'avion qu'à Daniel Morin. C'est vous dire si je suis sur mes gardes. Hein. Vraiment, je panique tellement dans l'avion que je deviens la pire version de moi-même. En avion, j'aime plus personne. J'aime plus les nains, j'aime plus les pandas, j'aime plus Leïla, j'aime personne. Quoi. Ah je deviens raciste, misogyne, homophobe. En fait, en avion, je deviens vraiment Daniel Morin. En plus, c'est la toute première fois de ma vie que je fais un si long vol. C'est vrai? Vraiment, toute première fois. Ah ouais. Et donc j'ai dû prévoir des anxiolytiques un peu plus forts que d'habitude. Du coup, je suis allé direct me fournir au zoo. j'ai chopé les pilules que les vélos phyto hyènes, quand les bébés phoques passent par leur enclos pour aller se coiffer. En général, c'est un moment de grand stress chez les hyènes mâles de tempérament classique. Alors, ces pilules-là mixées à une trentaine de décilitres de vodka pur, ça devrait me permettre de me calmer pour de bon. Ou d'agresser une hôtesse de l'air, va savoir. C'est la première fois que je vole 8 heures. Surprise! En plus, je vais là-bas pour souffrir quand je dois jouer 5 minutes en anglais. Dans un gala. Alors, je vous apprends rien, c'est déjà pénible pour le contribuable quand je fais 3 minutes en français. Faut imaginer deux de plus dans une langue où j'en touche pas une, quoi. Si je crève pas dans l'avion, je risque le décès sur place par lapidation ou par sentiment de honte. Ou par détention administrative infinie. Et oui, c'est toute une histoire quand même, choper son visa de travail pour les States. Moi, j'ai répondu à des questionnaires. Hallucinant, 4 fois j'ai fondu en larmes, quoi. Vraiment. Sérieux, c'était fort intime, je trouve. Aujourd'hui, les États-Unis, ils en savent plus sur ma vie que la plupart de mes ex, quoi. Vraiment. Je veux dire, par exemple, le fait que je fabrique en secret des armes biologiques dans ma buanderie, par exemple, c'est un truc dont je parle jamais à mes ex. En couple, quand je suis en couple, mais j'en c'est parle vrai pas. Que c'est la question posée. Alors que là, qu'est-ce que vous voulez? Ma question tombe dans le questionnaire. Ouais. Je suis pas le meilleur des hommes, mais j'essaie d'être honnête quand même. Hein. C'est vrai. Est-ce que vous financez une organisation terroriste? Pas en tant que tel, mais je bosse en Belgique et en France. Deux pays qui vendent des armes à l'Arabie Saoudite. Alors, je me sens un peu dans le game quand même, quoi. Alors tout ça pour dire que, sans certitude de revenir un jour sur ce siège, je tenais à dire que cette saison à France Inter a été incroyable. Humainement, j'ai rencontré des gens fantastiques, le vigile de l'accueil et d'autres probablement, mais c'est parce que j'ai une mémoire de sac en plastique. Mais je suis sûr qu'il y en a d'autres. Et puis pour moi, la bande originale, c'est toute une nouvelle notoriété, vraiment. Aujourd'hui, la plupart de mes amis me reconnaissent dans la rue. Et parfois même des gens, en fait. Les gens sont adorables. Ils me disent, on aime beaucoup ce que vous faites à la bande originale. C'est tellement dommage que ce soit Nagik. Enfin, c'est pas le problème ici. C'est une chance d'être baigné dans les valeurs d'une chaîne comme France Inter. T'as raison, c'est une chance. C'était ta dernière. C'est une chance. Non. D'être baigné dans les valeurs d'une chaîne comme France Inter. Et je tiens à dire à la direction que là, c'est bon, c'est plus qu'une question de semaine pour cette histoire de potager, mais que j'ai déjà commandé mon vélo panier. Donc je vous envoie la preuve de paiement et on avance sur ma reconduction pour l'année prochaine. Enfin bref, tout ça pour dire que si je m'en sors, je vous raconterai la semaine prochaine comment c'était la grande pomme. Si pas, je vous souhaite déjà une bonne émission, les amis. Merci, bon vol. La bande originale, la vie sur France Inter.